Et si c'était le moment de retrouver le chemin de la confiance et de l'optimisme? Dans le livre « La confiance en soi », Charles Pépin nous donne les moyens de passer à l'action. De la philosophie antique à Madonna, de la psychanalyse à Serena Williams, l'auteur fait de la philosophie une force de vie quotidienne. Cultivez à votre tour la joie et l'audace. « La confiance en soi » de Charles Pépin est disponible en librairie, aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour du pianiste et jazzman Keith Jarrett, diffusée en novembre 2020. Aujourd'hui, deuxième temps, conversation intime avec un piano. Music is not something you can use words to describe. Jarrett, comme Glenn Gould, que vous êtes en train d'écouter, fait partie des pianistes qui chantent quand ils jouent, qui crient, qui murmurent, qui se lèvent, qui semblent atteindre une forme de transe qui les embarque de l'autre côté du réel. À moins que ce ne soit justement au cœur de ce réel. Et si le pianiste, que l'on qualifie de fou ou de génie, les deux étant souvent à tort utilisés comme synonymes, était celui qui avait tout compris et qui atteignait l'endroit que l'on passe notre vie à vouloir atteindre. Ce que les philosophes mélomanes, Rosset, Nietzsche et Jankélévitch, appellent le réel, et que peut-être seule la musique peut atteindre. Bonjour Perrine Mansuy. Bonjour Adèle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous à Marseille, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous êtes pianiste, compositrice et pédagogue. On peut découvrir plusieurs albums de vous, on les mettra tous en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et c'est avec le morceau que nous sommes en train d'écouter que vous avez découvert Keith Jarrett, c'est ça? Mais exactement, c'était un coup de cœur, le coup de cœur de mes 15 ans. Et puis finalement, en le réécoutant... En ce moment, je réalise à quel point il me transporte toujours autant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est So Tender, de l'album Standard 1. Il en a fait deux d'albums sur les standards, Standard 1 et 2. Enfin, celui-là est une composition, mais la plupart des morceaux sont des standards. Et ça a été ma porte d'entrée dans le vaste monde du jazz. Lors de mon premier cours de jazz, d'ailleurs, j'avais une quinzaine d'années, et la professeure que j'ai rencontrée et qui a été pour moi un mentor, elle s'appelle Magali Sourio, et j'ai toujours plaisir à échanger avec elle, elle habite New York maintenant, m'a dit, voilà, dès que tu sors de ce cours, tu vas acheter deux albums, le Standard 1 de Keith Jarrett et un album de Miles aussi, Kind of Blue. De Miles Davis. Et alors, quand vous avez entendu ce morceau, que nous sommes encore en train d'écouter, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du jazz? Eh bien, j'ai entendu surtout le lyrisme de son de son discours mélodique. Je crois que ça m'a vraiment transporté, cette façon d'interpréter les mélodies, que ce soit ses compositions ou les standards, tout simplement. Et il y a toujours, c'est toujours très emporté, ça va très loin dans son phrasé. Il y a aussi l'aspect rythmique qui m'a beaucoup plu. On passe un peu du swing au groove. Là, je crois qu'il a. Ouais. On entend un mouvement rythmique qui est plutôt binaire, ce qui nous rapproche un peu de d'autres styles de musique comme la pop, le rock, la folk. En fait, il fait même un mélange entre les deux. Il n'y a plus vraiment de ternaire, de binaire. On est un peu dans un mouvement rythmique qui nous emporte parce que c'est assez proche d'une certaine transe. Et ça, tout de suite, ça m'a emporté. Voilà, comme encore aujourd'hui. Et puis ces harmonies, sa façon de faire sonner les standards, il a vraiment fait tout un travail de réharmonisation de façon à rendre les choses lisibles, fluides. Il essaye toujours de trouver des correspondances entre les accords. Il nous amène un peu vers une certaine modalité, en fait. Ouais. Et voilà, tout ça était assez nouveau. Et ça a été un vrai choc émotionnel. Donc je lui dois beaucoup. Ceux qui s'arrêtent au piano, mais Gary Peacock à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie, hein, dans ce trio qui est devenu mythique. On en parlera, hein, parce que Keith Jarrett joue seul, mais ne joue pas que tout seul, Perry de Mancy. On verra les différences. Je suis heureuse de discuter avec vous ce matin parce que du point de vue de la pianiste que vous êtes, je suis sûre qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur la musique de Keith Jarrett. Déjà, on a entendu sa voix en tout début d'émission, une phrase, la musique dit des choses que les mots ne peuvent pas exprimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que le rapport que la pianiste entretient avec son piano est celui d'une modalité d'expression qui n'est pas du tout satisfaite par le langage? Oui, complètement. Ça me fait très plaisir de l'entendre et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est la finalité de la musique, hein. C'est d'exprimer quelque chose différemment qu'avec des mots. Et c'est ce à quoi j'aspire depuis que je suis enfant. Je me souviens même de ce rêve de petite fille de pouvoir transmettre quelque chose sans passer par les mots. Je m'en souviens bien parce que petite, j'étais pas forcément très à l'aise avec les mots. Pour moi, l'accès à la musique me permet cela. Si j'arrive à pas faire passer des émotions aux gens qui m'écoutent, c'est ma finalité. Et est-ce que vous pensez que une des raisons du succès de Keith Jarrett, qui est connu au-delà du milieu du jazz et qui a exercé une grande influence sur énormément de personnes qui n'étaient même pas forcément musiciennes, peut s'expliquer par le fait que lorsqu'il joue, on entend quelque chose peut-être qu'on n'entend pas ailleurs? Lorsqu'il joue, on entend qu'il part effectivement loin dans cette idée de transe. Et je crois que c'est ça qui est ouais. extrêmement touchant. Et j'ai remarqué avec l'expérience, en écoutant de nombreux musiciens, artistes, que finalement c'est ça qui me plaît le plus quand je vais voir un artiste, c'est de voir à quel point il va loin dans son propre développement, dans ses propres idées, à quel point il se déconnecte de la réalité et qu'il nous livre quelque chose de vraiment très personnel. Je crois que c'est ça qui est touchant et qui saute aux oreilles avec Keith Jarrett. Mais alors pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous arrivez à décrire son jeu justement? Qu'est-ce qui fait que Keith Jarrett est Keith Jarrett quand on l'écoute? Pour moi, il fait un lien avec tout avec la musique classique aussi, la musique aussi, la musique folk. Le gospel, donc il y a un mélange de toutes ces influences, ça rend sa musique très accessible. Après, il a fait des choses qui le sont moins d'ailleurs, hein, mais toutes ces influences là condensées en plus dans cette idée d'improvisation et de jouer le jeu, vraiment de laisser la musique se dérouler sur scène. Et puis, comme vous le disiez juste avant, il faut le préciser, c'est vrai qu'il est accompagné, en tout cas en l'occurrence, de Gary Peacock et Jack DeJohnette qui font la musique avec lui, hein, aussi. Mm-hmm. Il n'est pas tout seul. Et ça, c'est extrêmement important, la façon dont on est accompagné sur scène. Ça change tout, hein. Si on mettait un autre batteur là, dans ce trio, ça n'aurait plus rien à voir. Ils apportent leur apport et est essentiel aussi. C'est une musique qui se crée à trois. Après, il a eu d'autres formations aussi, mais ce trio-là, sa particularité, en tout cas, c'est aussi la réunion de ces trois musiciens. Et quand on se focalise sur le jeu de Gary Peacock, c'est très novateur. À la contrebasse. Enfin, oui, à la contrebasse. Ça avait été un petit peu amorcé par le trio de Bill Evans, avec Scott LaFaro et Paul Mossian, cette ouverture, c'est-à-dire que les musiciens n'ont plus du tout le même rôle, les règles sont ouvertes. Quand on écoute Peacock, il a un jeu qui est très interactif avec, avec Keith Jarrett, donc il lui répond, il lui laisse la place aussi. Et puis si on écoute le jeu de Jack DeJohnette aussi, on est frappé par à quel point il suggère le rythme. Il ne va plus du tout jouer comme on a peut-être l'habitude de l'entendre dans d'autres styles de jazz, ce qu'on appelle le shabada, c'est-à-dire un rythme un peu constant. Mm-hmm. Là, DeJohnette ouvre littéralement son jeu et laisse la place au pianiste. Et ça, en tant que pianiste, ça je l'ai vécu, c'est extraordinaire quand on trouve des musiciens pour nous accompagner, et où on sent qu'il y a la place pour que notre musique se libère et vive, c'est extraordinaire. Alors vous l'avez dit, le morceau qu'on a entendu, c'est un standard. Et peut-être vous pouvez nous aider à définir ce que c'est qu'un standard dans le jazz, parce que ça nous permettra de mieux définir ce que c'est que l'improvisation à laquelle Keith Jarrett a donné ses lettres de noblesse. Alors un standard, en fait, c'est une chanson, c'est le répertoire du musical américain. Et ces chansons ont été jouées par tous les musiciens de jazz. Alors ce sont des formes assez simples, c'est peut-être entre 16 et 32 mesures en gros. Il y a en plus des répétitions, en général il y a un thème principal qui est répété deux fois. Il y a un deuxième thème qu'on peut appeler le pont, et puis le premier thème qui est repris. Donc c'est souvent des formes A, A, B, A par exemple. Mm-hmm. Hein. Donc c'est vraiment très simple, et au niveau harmonique également, au niveau des accords, les enchaînements se retrouvent au bout de 30 standards. On a compris comment ça fonctionnait. C'est pour ça que la musique ne va pas reposer sur des partitions. Quand on aborde un nouveau standard, on s'imprègne de la mélodie, on la prend par cœur, on s'imprègne aussi des mouvements harmoniques, et puis très vite, on joue avec, on crée des arrangements, on improvise autour de ça. Voilà, donc le standard, c'est ça, à partir de quoi on improvise en jazz? Voilà, ça peut être un point de départ à l'improvisation, parce que l'improvisation, elle est multiple, elle peut être totalement libre. J'aime bien prendre le parallèle avec le langage parlé, enfin, ou un récit, raconter un récit. Si on raconte un récit, on peut raconter quelque chose de totalement inventé, comme on le ferait en musique. On peut aussi faire une interprétation d'une histoire, je sais pas, par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, que tout le monde connaît, et on peut en faire une interprétation. On peut même rajouter des choses dedans, rajouter des anecdotes, mais la thématique est la même. C'est ce qu'on fait à l'aide des standards. Oui, donc au fond, l'improvisation, c'est comme, le parallèle se tient, c'est comme la parole humaine. Au fond, on croit que l'improvisation est quelque chose de particulier dans la musique, mais au fond, nous passons notre temps, quand nous parlons, à improviser. Sinon, c'est comme si on passait notre temps à lire des textes écrits, au fond. Si l'équivalent de la partition en musique serait comme si là, quand, en vous parlant, je ne faisais que lire des choses que j'avais déjà préécrites. Exactement. C'est pour moi, il y a un parallèle évident à faire entre le langage, l'improvisation dans le langage parlé et l'improvisation en musique. C'est la même chose. Par contre, le langage est différent. En musique, on va utiliser des sons, des hauteurs de notes, mais pareil, des phrases, du silence, des nuances. Et c'est ce qui nous permet de nous exprimer, d'improviser. Dans la musique, ça c'est, j'explique ça dans un concert commenté parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire de rendre accessible ce langage que les auditeurs puissent le comprendre, parce que souvent j'ai réalisé à quel point c'était vraiment pas clair pour certains, le dosage d'improvisation dans les concerts. En parlant avec le public à la fin, on me dit mais est-ce que tu as improvisé là? Je dis ben oui évidemment, mais pas seulement. Donc j'ai créé un concert commenté qui s'appelle Traversons, dans lequel j'explique à la fin des morceaux, en laissant bien sûr la magie du concert se faire, mais quelques petits éléments pour bien doser, pour bien comprendre le dosage dans ce qui est improvisé et ce qui ne l'est pas. Alors jusqu'où tient ce parallèle entre musique et langage? Et si la musique avait précédé la parole? C'est l'hypothèse que fait Jean-Jacques Rousseau dans son essai sur l'origine des langues, où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale, c'est le titre en entier d'ailleurs, et dans le chapitre 13 intitulé « De la mélodie », donc écrit en 1781, il fait ce parallèle-là. Écoutez bien ce texte car nous sommes au cœur de ce qu'on essaye de dire, Perrine Mansuy, ça s'applique, me semble-t-il, directement à l'interprétation même de Keith Jarrett. Voici le texte lu par Denis Podalydès. Avec les premières voix se formèrent les premières articulations ou les premiers sons, selon le genre de la passion qui dictait les uns ou les autres. La colère arrache des cris menaçants que la langue et le palais articulent, mais la voix de la tendresse est plus douce, c'est la glotte qui la modifie, et cette voix devient un son. Seulement les accents en sont plus fréquents ou plus rares, les inflexions plus ou moins aiguës, selon le sentiment qui s'y joint. Ainsi la cadence et les sons naissent avec les syllabes. La passion fait parler tous les organes et part la voix de tout leur éclat. Ainsi les vers, les chants, la parole ont une origine commune. Et les premiers discours furent les premières chansons. Les retours périodiques et mesurés du rythme, les inflexions mélodieuses des accents firent naître la poésie et la musique avec la langue. Les premières histoires, les premières harangues, les premières lois furent en vers. La poésie fut trouvée avant la prose. Cela devait être, puisque les passions parlèrent avant la raison. Il en fut de même de la musique. Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autres mélodies que le son varié de la parole. Les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure, et l'on parlait autant par les sons et par le rythme que par les articulations et les voix. Dire et chanter étaient autrefois la même chose. Thank you. écouté France Culture, les chemins de la philosophie. On est confiné avec Keith Jarrett cette semaine. Et à l'instant, en compagnie de Keith Jarrett, Gary Peacock à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie. Et Perrine Monsuit qui est avec nous depuis Marseille pour cette émission. La pianiste Perrine Monsuit qui a découvert le jazz justement grâce à Keith Jarrett. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rousseau lorsqu'il dit que dire et chanter était autrefois la même chose, à savoir finalement que la mélodie, ce que nous sommes en train d'écouter, ce serait le mode d'expression originel et que finalement ça précéderait même le discours. C'est quelque chose qui vous parle quand vous improvisez, Perrine Monsuit? C'est une idée que j'adore. Et pour moi, effectivement, je rapproche ça à la pédagogie parce que ce sont aussi des sujets qui m'intéressent et je suis persuadée que si on prend un enfant, on le baigne dans un environnement de sons, de phrases, de musique, je suis absolument persuadée qu'il s'exprimera de cette façon-là tout à fait naturellement. C'est pour ça que l'improvisation reste pour moi quelque chose de très naturel à partir du moment où on a acquis ce langage-là. Et la musique passe pour moi par l'écoute, par la reproduction et pas par l'écrit. C'est comme si on apprenait un enfant à lire avant de parler. Ça marche pas. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile parfois l'apprentissage d'un instrument ou de la musique. Parce que y a des enfants qui arrivent à l'âge de 10 ans, ils veulent jouer d'un instrument par exemple. Et puis il y a la difficulté de la maîtrise de l'instrument d'une part, mais il y a aussi tout ce langage musical qui n'est pas acquis, donc c'est compliqué. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que un grand rêve pour moi, ça serait que la musique soit apprise dès la maternelle ou même encore avant. Et on n'aurait que des musiciens autour de nous. Mais on peut être musicien sans faire de la musique, non? Et on peut avoir un mode d'être au monde qui est musical sans savoir connaître le solfège ou composer de la musique? Ah oui, c'est précisément ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est une connaissance du langage musical, mais qui se fait par les sens, qui se fait par l'audition, qui se fait par la sensation du rythme. C'est une écoute, c'est la capacité de reproduire aussi avec la voix. Après, être musicien, c'est aussi la pratique d'un instrument qui est encore autre chose. Mais déjà, avoir une attitude de musicien, c'est être sensible à cet environnement sonore. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, ce qui semble donner raison à Rousseau, ce sont les sons émis par Keith Jarrett, par Glenn Gould, on l'a entendu au début d'émission, en jouant comme s'il fallait accompagner l'expression, l'expressivité de la musique par un cri qui vient là du fond du corps de celui qui est en train de jouer. Est-ce que vous aussi vous chantonnez ou vous criez quand vous jouez, Perrine Monsuit? Alors je comprends complètement moi cette attitude-là et ça fait partie pour moi du geste musical. C'est une façon d'accompagner son jeu en étant entièrement dans la musique. Moi, je me sers par exemple du chant. Mm-hmm. Alors, je sais pas des cris, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je chante ce que je joue, notamment la ligne mélodique, ma présence est décuplée. Je sens que je suis beaucoup plus présente à ce que je fais et je sens que la musique se déploie plus naturellement, plus facilement, plus honnêtement. Et par ce biais-là, je sens que j'arrive à quelque chose qui est plus essentiel surtout. Parce qu'on peut faire du bavardage, on peut laisser les doigts jouer sur le clavier, mais pour moi, ça peut être beaucoup, beaucoup de bavardage. Donc en chantant, on évite cet écueil. Alors à ceux qui reprocheraient à Keith Jarrett de trop en faire, de vouloir faire un spectacle de son propre corps lorsqu'il joue du piano, voici ce qu'il répond. When you have a vast amount of stuff coming through your system, you know, and everything reaches a choke point, you have to emit some sort of sound, or you're going to die. Quand on est traversé par tant de choses, il arrive un moment critique où on doit produire un son, sinon on va mourir. No, because cela ne it's not coming pas through. Quand je joue des pièces de musique classique, on a small scale, parce que cela ne vient pas de moi. Nearly the same way. Peut-être à un moindre degré, content, mais rien de comparable. Il ne s'agit pas du contenu, mais de ce qu'on But en fait. When you're improvising, it's the whole 9 yards all at the same time. Quand on improvise, content, tout est décisif, nuance, au même moment. The le way contenu, you play it, la nuance, the subject la manière itself, de jouer, le thème, the dynamics, la dynamique, and the risk, all risque, at the same time. And if you don't make fois. A sound after that, si you know, you're not going to make a sound. Si on ne produit pas un son à ce moment, on ne produira jamais. C'est une question de vie ou de mort quand on l'entend en parler. Hein. C'est un extrait de The Art of Improvisation, le documentaire de Mike Dibb qui est paru en 2005. Si je ne crie pas à ce moment-là, c'est comme si j'allais mourir, dit-il. J'exprime quelque chose qui ne vient pas de moi. Et si je ne l'exprime pas à ce moment-là, bah, je ne l'exprimerai jamais. Keith Jarrett parle de sa musique avec un sens du... alors qu'est-ce que c'est, du drame ou un sens presque métaphysique? En tout cas, l'improvisation est pour lui une question de vie ou de mort. Il le dit dans et par son corps. C'est vrai que quand on le voit d'ailleurs, hein, quand il joue, il y a énormément de tension aussi dans son corps. Ouais. On voit ses muscles tendus, il se lève, il est vraiment en tension. Et bon, c'est sa façon à lui d'exprimer. Je crois qu'on n'est vraiment pas tous pareils, on n'a pas tous la même sensibilité. Et c'est vrai que pour lui, ça passe par ça. On entend bien ce cri, mais... Il y a d'autres façons de l'exprimer, je pense, hein, bien entendu, et des façons plus douces. Et puis d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant, c'est de voir à quel point chaque pianiste, avec, comme il l'exprime aussi, sa sensibilité, etc., va faire sonner le piano différemment. C'est tout un ensemble de choses qui vont s'exprimer à travers l'instrument. Et J'aime beaucoup cette idée de, on prend le même instrument et 10 pianistes qui jouent le même instrument, il va sonner complètement différemment. Car chacun a vraiment sa façon à lui de toucher l'instrument, de s'exprimer dessus. Ça veut dire que le piano est comme un prolongement du corps du pianiste? C'est plus qu'un instrument. Là, justement, le terme d'instrument renvoie presque à celui d'outil. Comme si c'était secondaire, comme si c'était un objet au service d'un projet supérieur. Or, j'ai l'impression que dans le cas de Keith Jarrett et la façon que vous avez d'en parler, Perrine Mansuy, le piano n'est pas juste un instrument, ça, il fait presque un seul corps avec le corps du pianiste. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est le prolongement direct de sa voix, de sa musicalité. Et puis même visuellement, on sent qu'il est complètement en phase... avec l'instrument, d'où aussi on parle beaucoup de ses caprices autour des pianos, mais bon, moi je comprends à quel point c'est important d'avoir un instrument avec lequel on se sent bien. Ça change tout. Moi, il suffit que je mette mes doigts sur un instrument et immédiatement je sais si l'instrument me parle ou si je vais pouvoir faire corps avec lui ou pas. C'est immédiat, hein, Et c'est pas forcément dû à la marque du piano ou voilà. C'est dû à quoi alors? Il y a quelque chose qui est un petit peu magique là-dedans. J'ai pas vraiment d'explication, hein, mais il y a la préparation aussi du piano, c'est-à-dire que on a des accordeurs. Maintenant, on appelle ça même des préparateurs de piano qui font un travail extraordinaire à la fois d'accord. Et d'harmonisation, il y a un panel de réglages sur un piano. Et après le passage de ce préparateur de piano, le piano peut être vraiment magique. Et il y a un endroit parfois où quand l'accordeur s'en va, le piano devient extraordinaire. Puis des fois, il est moins bien. Mais il y a un point comme ça de perfection qui rend l'instrument extraordinaire. Et que recherche qu'ils arrêtent, c'est le cauchemar de beaucoup d'accordeurs et de préparateurs parce qu'il est très très exigeant. Il demande, la légende raconte qu'il demande à ce que le piano soit accordé, je ne sais plus, je crois que c'est un quart de ton en dessous de la norme ou même moins qu'un quart de ton parce que ce serait énorme. Mais qu'il demande un changement très particulier qui ne concerne que lui. Et c'est une manière de tester le travail du préparateur, que s'il ne le fait pas, lui le remarque tout de suite et du coup il n'a plus envie de jouer. C'est vrai ça? Oui, je comprends que ça puisse leur mettre la pression. C'est sûr. Mais ça contribue à la légende de Keith Jarrett. On le présente aussi comme quelqu'un de très dur, de très égocentrique, de même cruel, soit que ce soit avec son public, parce que lorsqu'il leur demande de faire aucun bruit, il y a des concerts qu'il a interrompus parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de bruit, soit avec ses collègues musiciens. Il y a cette grande dureté qui contribue au mythe Keith Jarrett, sans doute, non? Oui, ben je pense que il a ça dans son caractère. Je pense que c'est inhérent à sa personnalité. Mais après, bon, voilà, quand on entend la musique qu'il nous livre, bon, moi, j'en fais pas vraiment cas. Hein, et puis, je comprends la pression que ça peut être de se livrer, parce qu'il joue vraiment le jeu de l'improvisation, il joue vraiment le jeu de la page blanche, même si il a un bagage musical énorme, parce qu'il a intégré tout le répertoire du piano classique, il connaît tous les standards. Il a de nombreuses compositions, donc il n'arrive pas vierge de toute musique sur scène, évidemment. Hein, il va naviguer avec tout ce qu'il sait, mais il joue vraiment le jeu. Et ça, je peux le comprendre parce que je l'ai aussi expérimenté lors d'un solo où je me suis vraiment donné comme but de partir de rien. Et c'est un sentiment assez... assez puissant d'ailleurs, hein, parce qu'on peut pas mentir, on est obligé d'être en présence à 100% et d'être totalement connecté à ses sens et en même temps hyper concentré. Alors comment créer les conditions nécessaires à l'improvisation ? Est-ce que cette improvisation est forcément une forme d'extase ? Qui Jared semble le dire ? Et Kundera également, je vous propose d'écouter un extrait d'un texte de Kundera qu'on trouve dans Les Testaments trahis. La troisième partie s'appelle Improvisation en hommage à Stravinsky. Écoutez ce texte formidable qui semble décrire exactement l'improvisation que met en œuvre Keith Jarrett dans son jeu. Je me rappelle mon enfance. Assis au piano, je m'adonnais aux improvisations passionnées pour lesquelles me suffisait un accord ut mineur et la sous-dominante fa mineur, joués fortissimo et sans fin. Les deux accords et le motif mélodique primitif perpétuellement répété m'ont fait vivre une intense émotion qu'aucun Chopin, qu'aucun Beethoven ne m'a jamais procurée. Une fois, mon père, musicien, tout furieux, je ne l'ai jamais vu furieux ni avant ni après, accourut dans ma chambre, me souleva du tabouret et me porta dans la salle à manger pour me déposer avec un dégoût à peine dominé sous la table. Ce que je vivais alors, pendant mes improvisations, était une extase. Qu'est-ce que l'extase ? Le garçon battant le clavier ressent un enthousiasme, un chagrin, une gaieté, et l'émotion s'élève à un tel degré d'intensité qu'elle devient insoutenable. Le garçon s'enfuit dans un état d'aveuglement et d'assourdissement où tout est oublié, où on s'oublie même soi-même. Par l'extase, l'émotion touche à son paroxysme et ainsi, simultanément, à sa négation. L'extase signifie être hors de soi, comme le dit l'étymologie du mot grec. Être hors de soi ne signifie pas qu'on est hors du moment présent, à la manière d'un rêveur qui s'évade vers le passé ou vers l'avenir. Exactement le contraire. L'extase est identification absolue à l'instant présent, oubli total du passé et de l'avenir. Quelle est la question que pose le piano? Answer Me, c'est le titre de la mélodie. Vous êtes en train d'écouter un extrait du dernier album de Keith Jarrett, le concert à Budapest, un solo en public enregistré en 2016 qui vient de paraître. Le morceau donc s'appelle Answer Me. Écoutez les phrases de piano qui reviennent, la question qui est posée, et on en parle dans un instant avec Perrine Mansuy. On a bien dit, Perrine Mansuy, à quel point il était difficile, voire impossible, de mettre des mots sur la musique, mais on a quand même envie de comprendre tout simplement pourquoi c'est si beau ce que nous sommes en train d'écouter. Oui, mais comme moi j'aime beaucoup le texte que vous avez lu avant, c'est-à-dire il parle de l'émotion pure, est-ce qu'on peut mettre vraiment un mot là-dessus? Justement, je trouve ça très élégant. Le texte de Kundera, oui, qui parle d'extase, ouais. Oui. Et je trouve que c'est assez élégant de pas de justement juste accepter que de pouvoir être touché en plein cœur par l'émotion pure. C'est de ça dont il parle. Et moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter, si vous voulez bien, qui m'a beaucoup appris. Il y a quelque temps, j'ai découvert le yoga justement pour toutes ces choses-là, pour avoir accès à cette présence et à des états de conscience un peu élargis. Et puis, au cours d'un stage de yoga, le premier soir, on fait une méditation et le yogi met une musique indienne. Et là, mon mental s'excite et se dit quoi ? Enfin, c'est très convenu, et puis vraiment, j'arrive pas du tout à rentrer dans la pratique, parce que je trouve que c'est vraiment très convenu de mettre une musique indienne. Bon. Et puis le lendemain, après une journée de pratique, de posture, de souffle, de méditation, le soir revient la méditation, il remet la même musique, et là, j'ai vraiment une sensation physique d'être touché en plein cœur par le son de cette flûte qui est un bansuri, et j'apprendrai plus tard que c'est en fait Hari Prasad Chaurasia qui est un maître de la flûte, et je suis submergé d'émotions, mais vraiment jusqu'à en pleurer. Alors j'étais très très très surprise de ma réaction, mais j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. J'ai appris à quel point la disponibilité est indispensable pour accéder à cette émotion pure, qu'on soit auditeur ou qu'on soit acteur. Donc le travail de pour se rendre disponible est indispensable pour moi. Et est-ce que ça veut dire que le corps est un allié ou un obstacle au fond? Parce qu'on s'est posé la question à propos du piano. Il y a un instant, hein, on se demandait si c'était plus qu'un instrument, on faisait corps avec son piano. Mais le corps, justement, en tout cas dans le cas de Keith Jarrett, il le dit souvent, son corps souffre en permanence. Il y a comme un sacrifice du corps au service de la musique. Pour moi, effectivement, le corps devrait être un allié. En tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Et c'est vrai que chez lui, il y a cette notion de souffrance. Et parfois, quand comme je le disais tout à l'heure, quand on le regarde jouer, on voit un peu il y a beaucoup de tension. Bon, c'est pas le cas de tous les musiciens. Il y en a beaucoup qui prennent vraiment la détente. Prenons Ahmad Jamal, par exemple, un autre pianiste jazz, Ahmad Jamal, il arrive sur scène, il fait des checks et il s'assoit, il sourit, il parle avec les musiciens qui sont là. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Voilà, tout à fait. Je pense que donc chaque pianiste, chaque est très différent. Chez Jarrett, il y a cette notion effectivement de souffrance, mais je pense que c'est inhérent à sa personnalité. C'est pas le cas de tous les musiciens, et en général, c'est plutôt par la relaxation, la détente, le plaisir que la musique peut aussi se faire. Hein, bien entendu, je pense que c'est très important. Et donc, ce qui était très touchant là dans le texte que vous avez évoqué, c'est son expérience très intime. Alors, ni Chopin ni Beethoven ne lui ont procuré ces émotions. Et ça me fait poser la question qui n'a pas été emporté d'émotions par une musique qui ne présente pas forcément un grand intérêt du point de vue musical, mais qui est une musique qui est venue toucher comme ça son émotion. On a presque un peu honte. Oui. Je trouve ça assez rigolo. Et ben ça se passe de mots, quoi. Je crois que c'est le corps qui réagit, c'est les sens qui sont là, et ça passe pas par la conscience. Et heureusement qu'on peut laisser cet accès se faire. Heureusement qu'on peut laisser ces choses-là se faire sans commentaire. Mais c'est le cas du thème que nous venons d'entendre. Answer Me, c'est un morceau extrêmement simple et très puissant émotionnellement. Exactement. Et c'est fou à quel point, avec peu de un matériel musical très simple, Keith Jarrett va le magnifier et nous en livrer la quintessence. Et ça vient, moi là, tel que je viens de l'entendre, j'ai été encore une fois, c'est pas la première fois que j'entends, touchée, vraiment emportée musicalement, physiquement. C'est la magie de la musique. C'est ce langage-là qui s'adresse directement à notre sens, à notre corps émotionnel, qui vient nous faire vibrer. C'est toute la beauté et la magie de la musique, je crois. C'est la rencontre entre la musique, un thème qui existe, un standard justement, et un interprète. Parce que vous l'avez dit, ce morceau-là joué par quelqu'un d'autre peut nous toucher, mais il nous touchera différemment. Est-ce qu'il y a une spécificité du jeu de Keith Jarrett ? Est-ce qu'il y a un toucher particulier ? Est-ce que vous arrivez à le décrire ? C'est vrai que moi, quand Keith Jarrett joue, j'ai toujours la sensation qu'il y a une connexion au spirituel. Ouais. Je sens quelque chose qui le dépasse et qui a de l'ordre de sa démarche est presque mystique, je trouve. Et c'est ça qui me touche aussi beaucoup. Alors, comment l'expliquer ? Je pense qu'il est empreint de cette énergie-là, de cette connexion-là. Et ça se sent dans sa musique, dès qu'il met les mains sur le piano, on le reconnaît tout de suite à cette façon de... Bon, il n'est pas le seul, bien sûr, il y a d'autres nombreux musiciens qui ont cette connexion aussi au spirituel, bien sûr. Hein, mais moi, je l'explique comme ça, voilà. Est-ce que le risque, c'est pas de vouloir l'imiter quand on est pianiste et qu'on découvre le jazz avec lui, et donc de tourner le dos à l'improvisation, parce que dès qu'on imite, ben on ne joue plus librement, on fait comme quelqu'un d'autre. C'est vrai que, par exemple, dans mon apprentissage, Keith Jarrett m'a beaucoup influencé au début, et j'ai dû à un moment donné m'en séparer, c'est-à-dire que j'ai réalisé que j'avais tendance à copier un petit peu ses phrases, à copier sa façon de jouer. Il a influencé quand même toute une génération de pianistes, vraiment. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus l'écouter. Ah oui. J'ai rangé les disques. Et je ne l'ai plus écouté. Mais vraiment, j'ai pris vraiment cette décision-là et je la regrette pas, parce que c'est vrai que maintenant je me sens détachée. Quand je réécoute, j'ai autant d'émotions, mais voilà, c'est autre chose. J'ai pu développer moi mon propre langage, et c'est ça qui est important. Et c'est aussi ça qu'apporte le jazz. C'est une musique très ouverte qui permet musicien d'aller à la rencontre de soi-même, parce que on est obligé de créer nous-mêmes la musique, puisque le répertoire n'est pas écrit pour ça. Le répertoire, c'est simplement peut-être des standards, mais tout ce qu'il y a autour, c'est à nous de le faire, c'est au musicien de le créer, de créer l'arrangement, de créer la réharmonisation. Voilà. C'est ce qui fait qu'on décide, enfin si c'est une décision, je sais pas, de quitter le domaine du classique pour aller vers le jazz, c'est que c'est ce besoin de créer quelque chose de nouveau et de pas simplement lire des partitions. Oui, effectivement, moi ça a été naturellement un chemin qui s'est présenté à moi, parce que j'ai toujours aimé inventer, improviser, et je me suis toujours sentie à l'étroit avec une partition. Ça a été quelque chose de naturel. Aujourd'hui, les gens qui ont commencé par le classique, ils sont souvent très habitués à rester fidèles à une partition, donc ils ont souvent beaucoup de mal à en sortir. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup travailler avec ce genre de pianiste, parce qu'il suffit juste de donner de nouvelles clés, de nouvelles possibilités pour avoir accès à une autre façon de faire, avec en plus le bagage extraordinaire du répertoire classique. Oui, c'est ça, parce qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas une liberté dans l'interprétation même ? De même qu'à l'époque, les compositeurs étaient aussi des improvisateurs, ça Raphaël Imbert nous l'a bien redit hier, de même dans l'interprétation du pianiste lui-même, il y a une marge aussi d'innovation, d'invention, d'imagination. On a entendu Glenn Gould en début d'émission, la façon qu'a Glenn Gould de jouer Bach, ben, on est plus proche de Glenn Gould que de Bach, justement. Oui, ben c'est ça qui est merveilleux aussi, effectivement, c'est d'entendre la personnalité d'un pianiste à travers une pièce déjà créée. Et bien sûr qu'il y a énormément de possibilités et de subtilités dans les interprétations, ça on sait bien. Et puis je voudrais rappeler que c'est vrai qu'au départ, toutes les pièces qui ont été écrites ont été créées au cours d'une improvisation. Donc l'improvisation, elle s'est perdue dans le domaine classique aujourd'hui, mais elle a existé forcément, puisque au début, tous les pianistes classiques ont commencé par chercher, improviser, et puis fixer le résultat de leur improvisation sur une partition, et c'est la transmission que l'on en a aujourd'hui. Mais est-ce que toute composition n'est pas d'abord une improvisation ? Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Je pense que c'est exactement ça. Au départ, en tant que pianiste, on cherche, on improvise, et puis on fixe notre recherche sur partition. Alors nous, dans le jazz, les partitions restent assez simple en général, ça peut être sous la forme d'un standard, c'est-à-dire une mélodie et une harmonie qui est chiffrée avec les lettres du chiffrage américain, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est après de s'emparer de ses propres compositions et d'à chaque fois de les réarranger un peu en fonction de la formation avec laquelle on joue. Donc c'est un travail d'arrangement qu'on peut faire sur les standards et sur ses propres compositions aussi, c'est assez intéressant. La musique est dans l'air. Soit vous la trouvez, soit vous ne la trouvez pas. Auquel cas, vous n'avez pas suffisamment essayé de la trouver. You can be educated about scales, you can be educated about vous pouvez savoir jouer au piano, vous pouvez connaître les accords, vous pouvez connaître les gammes, vous pouvez connaître tout ce qui est lié à la musique et ne pas y arriver. Il faut pouvoir se libérer des chaînes qui nous retiennent. Et on pourrait tous potentiellement y arriver. Mais la plupart d'entre nous ne nous autorisons pas à nous libérer. In my opinion, is to let it out. Mon travail, selon moi, c'est de laisser tout ça sortir. But anyway, you've heard too many words tonight, and I would really like mais my vous avez entendu message beaucoup de mots only ce soir. Be, music cannot be expressed le seul message que j'ai à partager avec vous est que la musique ne peut pas words. Être exprimée ou transmise par des mots. Et voilà, la musique ne peut pas être exprimée ou transmise par des mots, c'est ce qu'a dit Kizaret en début d'émission, c'est ce qu'il dit à la fin de cette émission, et pourtant nous n'avons fait que parler, Perrine Morsi, ce qui montre bien qu'on a sans doute raison de pas abandonner. Un dernier mot peut-être, c'était son allocution du 13 janvier 2014, lors de la réception d'un prix au cours du NEA, le National Endowment for the Arts, le Jazz Masters Awards, dans lequel il dit, d'ailleurs juste avant, que quand il écoutait Mozart, il disait qu'il y a des notes qui n'allaient pas, quand même un sacré culot pour dire ça, mais qu'en même temps, quand il a découvert le jazz, il a compris pourquoi ça n'allait pas, parce qu'il avait besoin de mettre en place un autre rapport à la musique. Ce qu'il dit là dans ce qu'on vient d'entendre, au fond, c'est ça, il suffit de let it go, de laisser aller, mais il n'y a rien de plus difficile, ça pose la question du juste milieu entre le contrôle sur soi le travail du musicien et une sorte de liberté avec laquelle il faut renouer dans et par l'improvisation. C'est le travail de toute une vie, non ? C'est le travail de toute une vie, et c'est ce travail-là de que j'appelle un peu conscience élargie. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, et pas que dans le domaine musical. C'est ça qui est intéressant, c'est à quel point on peut être performant quand on touche à ce point précis entre une hypervigilance et en même temps un lâcher-prise total. Et j'ai le regret qu'on n'en entende pas plus souvent parler dans l'apprentissage de la musique. Et pourtant, c'est un point crucial et essentiel, effectivement. Plus souvent parler de quoi ? De la recherche de cet état de conscience. L'état. Voilà, qui est le point précis entre une conscience, un état de vigilance et de lâcher prise. Ce qu'on peut appeler une présence. Je n'ai pas le mot qui me vient, mais parce que justement, c'est quelque chose d'assez difficile à décrire, en fait. Hein, c'est un type d'attention, au fond. Oui, c'est une hyper-présence. Et moi, je sais que sur scène, je sais exactement quand j'y suis et quand j'y suis pas. C'est un peu proche de l'état de transe hypnotique, ouais. En fait. On est toujours conscient et on joue un petit peu avec sa présence. On est plus ou moins présent selon les moments. On peut pas, selon moi, perdre totalement sa présence, parce que on doit être concentré tout le long. Mais c'est très intéressant comme recherche. Eh ben merci en tout cas d'avoir été présente pour de vrai ce matin. Enfin, présente, absente, non d'ailleurs, parce que vous étiez depuis chez vous, mais présente par la voix pour cette émission sur Kids Jared. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Bérine Mansuy. Merci beaucoup, Adèle. Et je renvoie à votre spectacle. Le 14 décembre prochain, à 19h, le festival virtuel Tous en Son proposera la diffusion en direct de votre spectacle intitulé « Je rêve », qui est une porte d'accès au jazz pour les enfants, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, de la transmission à nos jeunes oreilles. Eh bien, on mettra le lien sur notre site des Chemins de la Philosophie. On se quitte bien avec un thème qu'on a entendu au cours de l'émission, la version sublime de Answer Me par Kid Jarrett. Voici celle de Nat King Cole, Answer Me My Love, qui date de 1954. Answer me, oh my love, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. Please answer me, my love. C'est Nat King Cole qui le chante, c'est Kid Jarrett qui le joue, et c'est moi qui vous le dis et qui l'adresse à Aurélien Bélanger, qui, comme chaque jour, vient poser sa question du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, chère Adèle. Eh bien, avec nous, comme tous les jours, depuis chez vous, ça ne vous empêche pas de nous poser, de vous poser une question par jour. Celle du jour, la voici. Le bonheur se cache-t-il dans une encyclopédie ? Alors, il n'y a pas si longtemps, je connaissais le raccourci clavier, un peu sophistiqué, car il fallait utiliser ses trois doigts, qui permettait de passer d'une page de Wikipédia à une autre de façon complètement aléatoire. Alors, pour les moins de 30 ans, qui ont connu surtout l'Internet un peu téléguidé des réseaux sociaux, pour les moins de 20 ans, à qui sont destinées les boucles automatisées de TikTok, je dois rappeler l'existence de cette pratique primitive et propre au premier Internet qu'on appelait surfer. surfer, c'était, dans la droite ligne de la doctrine de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, cliquer sur des liens hypertextes pour passer d'un site à l'autre. Et les plus anciens se souviennent que ces liens hypertextes étaient bien, à l'origine, bleus comme des vagues. Et ainsi, vous surfiez à travers les pages de Wikipédia. Surfer dans les encyclopédies, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de nos vies à nous, les vieux milléniaux, qui avons connu le monde de Gutenberg in extremis, juste avant celui d'Internet, le monde du quid et de tout l'univers, des grands Larousse en 5 volumes et des Universalis achetés à crédit. Hélas, celle-ci ne se négocie plus que 50 euros sur le bon coin, et comme j'en avais déjà deux, je n'ai pas pris celle qu'on avait déposée l'autre jour sur un trottoir de ma rue, grande et triste comme un enfant de 7 ans, ni celle qu'on a voulu m'offrir l'autre jour, je me suis contenté de l'Encyclopédia Britannica. J'aime tellement les encyclopédies, ces icebergs à la dérive du monde ancien, ces arbres de la connaissance déracinés et entraînés dans les eaux froides du monde, des algorithmes, que c'est à une encyclopédie que je voulais faire ressembler mon premier roman à une longue succession de pages. Au hasard, cela devait être, dans mon esprit, une sorte d'esclave du monde du livre dans le monde numérique. Les tomes d'une encyclopédie, épais comme les dalles des pages japonais, jetés dans l'herbe envahissante du monde de demain. Bon, mais est-ce que vous pensez que le déclin des encyclopédies est inéluctable ? Bah, sous leur forme antique, historique, de lourds volumes de papier, sans aucun doute. Mais Wikipédia, chef-d'œuvre accidentel d'un ancien pornographe, s'est en revanche bien imposé aujourd'hui, à la fois comme une source de connaissances fiable, mais aussi comme une des principales raisons qu'on peut trouver d'avoir encore confiance envers l'humanité. Parce qu'elle est collaborative, bénévole et gratuite, elle me semble relever d'un optimisme encore plus grand que celui qui a présidé au XVIIIe siècle au lancement de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mais je me dois aussi de citer chef-d'œuvre du genre, la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Alors, j'ai connu un monde où le dictionnaire de philosophie de référence était le vénérable et rougeoyant Lalande, et donc je sais ce que ce projet a de miraculeux, au point que j'ai commencé à vouloir stupidement en imprimer les pages quand j'ai découvert son existence, et qui doit m'en rester quelque part, deux ou trois grands classeurs ardents, pleins des questions métaphysiques que je me posais alors sur les universaux, les mondes possibles et les particuliers nus. Bon, en tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que pour vous, le bonheur semble bien se cacher dans les encyclopédies. Mieux que le bonheur, un sentiment de béatitude devant la perfection possible du savoir. Quelque chose de l'ordre de la révélation d'un ordre. Avec tout au fond ce merveilleux paradoxe dont j'ai redécouvert l'existence, l'éditeur en chef de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward Zalta, est un spécialiste du métaphysicien autrichien Meinong, qui, le premier, a osé considérer que les objets impossibles, comme le cercle carré, comme l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, que ces objets impossibles avaient le droit, eux aussi, à un certain type d'existence. Et je me souviens, alors, avec émotion, que j'ai connu un monde non moins paradoxal où les encyclopédies papier, cette aberration éditoriale, avait eu, elle aussi, droit à l'existence. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Legoff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valensic qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Baptiste Lénard. À la lecture des textes, Denis Podalides. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série, de notre confinement avec Keith Jarrett. Demain, on sera en compagnie de l'anthropologue Denis Laborde et on parlera d'improvisation. On apprendra qu'on ne s'improvise pas improvisateur. Et comme cas d'école, évidemment, on passera beaucoup de temps en compagnie du concert de Cologne, le sublime Köln concert de Keith Jarrett que je vous propose de découvrir avant demain si vous ne le connaissez pas. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant, en la podcastant, par exemple, grâce à l'application Radio France que vous téléchargerez très facilement sur votre téléphone. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Demain, je vous l'annonce, ce sera un autre jour à démarrer avec les matins de France Culture. Informer, réagir, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Avec nos journalistes, des penseurs et des artistes, alors je vous attends dès 7h. Les matins de France Culture, dès 7h et sur franceculture.fr.